On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. Je te fais ça en deux spi, même si je suis un peu pris de court. Je te raconterai des histoires un peu comme aux petites connes. Et si tu veux me parler, t'attendras que je t'envoie mon kit de com. On a des pensées strictes, ouais, des pensées qui te saoulent. Mais avoue que le streetwear c'était passé comme Eastwood. Alors pour être dans la tendance, faudrait que je parle de ma beat com. Les rappeurs qui te font danser avec leur vie de sitcom. On veut pas d'argent sale, on veut même pas de crit full. On veut des boom boom tchak, nous on veut pas de click boom. Ce qui sort est dark et chelou, on dirait du Hitchcock. En plus, ils te font tous la même chose, putain, on dirait qu'ils se clonent. Et le clip en RSQ7, mon gars, j'arriverai en scout. J'suis pas de l'ancienne école, moi j'suis de la nouvelle old school. Et j'arrive sans prévenir, j'attends pas que les bitches croquent. Ma que clic, j'bloquerai que devant DMC à Stockwood. J'arrive sans prévenir. Perso, ça fait plaisir. Que des affaires à saisir. J'ai trop d'instruits à vendre, mais bon, j'm'en bats les couilles. Bois un coup à ma santé, lève ton coude. On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. J'te fais ça en deux spi, même si j'suis un peu pris de court. J'te raconterai des histoires un peu comme aux petites connes. Et si tu veux me parler, t'attendras que j't'envoie mon kit de com. On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. J'te fais ça en deux spi, même si j'suis un peu pris de court. J'te raconterai des histoires un peu comme aux petites connes. Et si tu veux me parler, t'attendras que j't'envoie mon kit de com. J'arrive sans prévenir. Perso, ça fait plaisir. Que des affaires à saisir. J'ai trop d'instruits à vendre, mais bon, je m'en bats les couilles. Bois un coup à ma santé, lève ton coude. On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. J'te fais ça en deux spi, même si j'suis un peu pris de court. J'travaille dans un centre d'appel, on te contacte même sur liste rouge. Tout le monde est dans le flou, tout le monde se fuit au bruit de couloir. Et j'aime parler dans le vent comme tous les jours où j'pris le Christ. On maîtrise le débarquement, qu'importe le nombre de blitzkrieg. Synthétise et sois concis dans tous tes discours. Y'a que dans ton lecteur, c'est des culs d'époque, vos disques tournent. J'mettrai le morceau sur les réseaux si tu kiffes, clique. Chie dans ton baggy et laisse-moi bander dans mon jean slim. Les gens veulent toujours décoller que sur des pistes courtes. J'suis dans les affaires, dans mon placard ou sur ces discounts. On écoute et on crie comme des faux clics qui disent oui, c'est pas mal, style différent mais plutôt miskin. Check la nouveauté, je les entends crier au secours. J'suis pas d'ancienne école, moi j'suis de la nouvelle old school. Et j'arrive sans prévenir. Perso, ça fait plaisir. Que des affaires à saisir. J'ai trop d'instruits à vendre, mais bon, je m'en bats les couilles. Bois un coup à ma santé et lève ton coude. On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. J'te fais ça en deux spi, même si j'suis un peu pris de court. J'te raconterai des histoires un peu comme aux petites connes. Et si tu veux me parler, t'attendras que j't'envoie mon kit de com. On m'a demandé de faire un track hip-hop et un beat lourd. J'te fais ça en deux spi, même si j'suis un peu pris de court. J'te raconterai des histoires un peu comme aux petites connes. Et si tu veux me parler, t'attendras que j't'envoie mon kit de com. J'arrive sans prévenir. Perso, ça fait plaisir. Que des affaires à saisir. J'ai trop d'instruits à vendre, mais bon, je m'en bats les couilles. Bois un coup à ma santé et lève ton coude.